Marks a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Well, he did it! That's like, here's a shot! Henderson made a wild snap for spell. Here's another shot! Right by the door! Et c'est gardé. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's got it. End zone. The band have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission qui chaque semaine vous parle de sport, de peu partout à travers la planète. Bon matin monsieur. Bon matin Nicolas. Dans notre bon matin Pierre-Luc. Bon matin. Bon matin. Dans notre dernière avant-dernière émission plutôt avant le temps des fêtes, avant d'aller carillonner et chanter aux portes avec un cœur heureux. Alors ce matin, on a quand même une grosse émission là honnêtement là, Pierre-Luc. Junior majeur, hockey junior bien comme sûr. D'habitude. Phil, soccer. Oui, dernière journée de la Ligue des champions cette semaine. Oh, donc après ça quoi, ils passent en deuxième phase puis c'est plus tard dans l'année ou? Oui, exactement. D'accord. Faut tout dire ça tantôt. C'est bon. JP Grenier va se joindre, JP Grenier va joindre avec nous, à nous plutôt, vers 11h15, 10h15 plutôt, qui va nous parler de football. On va toucher à la NFL aujourd'hui, pour en tout cas une couple de semaines encore. On va toucher à la NFL. On va avoir aussi Sébastien Proulx, le retour de Sébastien Proulx dans l'émission. Sébastien, sa grosse voix profonde, qui va nous parler de UFC 124. C'est demain, Montréal, au Centre Bell. 23 000 personnes qui annoncent. Ça va être jam-pack, ça va être débile comme événement. GSP, Georges Saint-Pierre, qui va affronter Josh Koscheck. Il va nous en parler plus tard. Mais tout d'abord, allons-y avec le sport des Patriotes ici à l'UQTR. D'abord, écoutez les boys, c'est terminé pour les Patriotes au niveau des activités jusqu'à Noël, presque mi-janvier. On a disputé tous nos matchs. On disputait un match, c'était samedi dernier. À vrai dire, vendredi dernier plutôt, on était supposé en disputer deux. Mais il y a un match contre Queens qui a été annulé, ou plutôt remis, devrais-je dire. Plus tard, semble-t-il que Queens mal regardé leur horaire, là, avait mal planifié leurs affaires. Je sais pas là, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, pour ce match, donc allons-y, seul match. Le deuxième rang était à l'enjeu entre les Patriots et les Ravens de Carlton. Écoutez, les Ravens de Carlton, c'est pas une petite équipe, là. Je dis deuxième rang et c'est pas pour rien. C'est une équipe qui est très capable de jouer. Un programme qui a, je pense qu'il en est à sa troisième année, mais qui déjà a pris son envol énormément. Et un programme qui vraiment ça regarde bien pour eux. Alors, c'est une victoire de 3-2 des Patriots sur Carlton. Écoutez, les boys, il restait une seconde. Ah, une fin de match incroyable. Oui, t'étais là. Ouais, une seconde quand Pierre-Luc Lessard a déjoué le gardien Mathieu Dopud. Mathieu Dopud qui jouait avec l'Océanic de Rimouski l'an dernier. Bon ça. Gardien. Une seule seconde. Écoutez, les buts, là, tout d'abord, en première période, Laroche, Marc-André Laroche et des aides à Jonquin Bellefleur, le troisième trio qui donne des points. On sait que c'est pas tout à fait facile pour le troisième trio d'aller chercher des points, des choses comme ça, mais on a participé dans ce cas-ci. Le deuxième but des Patriotes, c'est Nicolas Desilets, son premier cette année pour le défenseur et co-capitaine de l'équipe. Nicolas n'a jamais été une force offensive, là. C'est pas le type de gars que tu mets sur ton avantage numérique, mais faire son premier, des aides à Breton et Donovan. On était en deuxième, écoutez, on était en mi-deuxième là-dessus. Et messieurs, comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois cette année, les Patriots ont eu de la misère à garder une avance, à conserver une avance. Et c'était le cas aussi, on parle en deuxième période, un but de Plakatis à 13 minutes 9 en avantage numérique et un but de Andrew Self, encore en avantage numérique, en troisième période, début troisième période. Donc, Deux buts en avantage numérique. C'était peut-être pas des beaux buts en avantage numérique, mais ça reste des buts qui ont été comptés avec plus d'un homme. Et malheureusement, du côté des Patriotes, ça reste un problème cette année d'avantage numérique. On est très mal classé. Et alors qu'il ne restait que quelques secondes au match, Pierre-Luc Lessard qui fait son quatrième de la saison. Un retour de lancer. Écoutez, si vous voulez voir ce que ça a l'air, allez sur uqtr.ca/patriote. Le but est là, vraiment. Le caméraman a croqué la scène, là, devrais-je dire. Et un beau but, vraiment. Les gens les joueurs sont lancés sur la glace. Et c'était pénible après. Honnêtement, là, l'arbitre. L'arbitre, écoutez, qui doit pas son meilleur match. Oh non. Et des deux côtés, là, c'est même pas une question d'être partisan ou peu importe. A eu un mauvais match, appelait rien en troisième période. Quand tu dis, écoute, là, c'est sors le sifflet, faites quoi, tu même, l'as mis où, là? Même en deuxième période. Mais en fait, je pense qu'il a perdu son match en deuxième période. Oui, en effet. Carlton est sorti quand même très fort, très physique. Et puis, bon, ça s'est mis à brasser pas mal. Puis c'est là qu'on a vu le match glisser entre les mains de l'arbitre. Oui, vraiment. Et en troisième période, pour vous décrire la scène, un but. Bon, les arbitres se consultent. Il y a conciliabule. Et finalement, on rend une décision rapidement. Mais si le but est à 19-59, il reste bel et bien une seconde à jouer. Et c'est ce que Carlton disait. OK, c'est correct, on s'est fait compter. Mets ta rondelle à terre. Et je sais pas s'il s'imaginait à la Ligue nord-américaine de hockey où est-ce que ça aurait pu virer en bagarre et des choses comme ça, d'envoyer des hommes forts, mais pas hockey universitaire. Et malheureusement, écoutez, ça a été longtemps, ça a niaisé. Pas une grosse performance de la part de l'arbitre. Donc, gros match. On va aller grosse performance de la part de Pierre-Luc Lessard, comme toujours. On va aller écouter ses commentaires. J'ai demandé nous dire comment il avait vécu ça, ce but-là, et comment il voyait ça là, pour un match comme ça, là, un match excitant comme ça. Dans le fond, je savais qu'il restait pas même temps. J'ai levé les yeux, il restait 5 secondes. J'ai juste drivé le net, puis la puck est sortie de sa palette. Je l'ai juste fait dévier entre les pattes. Puis après ça, je savais pas s'il restait du temps. Finalement, il restait une seconde. C'est qu'on va le prendre. On le prend n'importe quand que ça arrive. Star Wars Universal, t'as été choisi pour le camp d'entraînement. C'est-tu quelque chose que t'avais passé au début de la saison ou surprise totale? Au début de la saison, je savais pas qu'il y avait une Universal. C'est sûr que je suis surpris, mais dans ma tête, je voulais connaître une grosse saison, ça c'est sûr. Ça avait mal parti au début, puis là, dernièrement, ça va bien, je colle des points, puis ça va bien pour l'équipe aussi, puis c'est bien, mais c'est sûr qu'à l'Universiade, ça serait le fun. On a le camp la semaine prochaine. Je pense que je performe bien au camp parce que c'est sûr qu'il va y avoir des excellents défenseurs là. Mais tu sais, je crois en mes chances, puis je pense que ce serait une bonne expérience d'y aller. Alors, c'était Pierre-Luc Lessard qui, reflétait aussi. Il a parlé des universitaires, ou du moins, j'ai posé la question à propos des universitaires. On va reparler un petit peu plus tard, mais retenez ce qu'il a dit. Lui et deux autres joueurs des Patriotes s'en vont aux universitaires. J'expliquerai c'est quoi exactement. On va aller maintenant écouter les commentaires de Jacques Laporte en suivant cette partie. C'est ça qu'on disait aux gars. On a dit aux gars, entre la 2 et la 3, c'est la période que tu vas te rappeler toutes les vacances de Noël, de 5 semaines à pas jouer. Là. C'est cette période-là qu'on se rappelle, ce match-là. On reste toujours avec sur notre appétit quand on perd. Quand on gagne, ça fait toujours un plus beau cadeau en même temps. Mais sauf que il va falloir apprendre à gérer notre avance. Que une coupe de match, là, que, ben, pas une coupe, mais au moins les deux dernières. Là. Qu'on, on mène, on se fait remonter, puis là, de justesse, on réussit à passer au travers. Mais là, au moins, c'est. Eux autres, là, c'est pour la deux. C'était pour la deuxième position. L'enjeu était grand, puis mercredi aussi, puis on a passé au travers, cette fois. Alors, c'était Jacques Laporte, suivant ce match. Écoutez, les gars, je pense qu'il disait quelque chose d'intéressant là-dessus, où est-ce qu'on a besoin de garder notre avance éventuellement. Du côté des Patriotes, c'est une vague. C'est du haut et des bas au niveau d'une partie où est-ce qu'on a de la misère à jouer 60 minutes au complet. Pas par manque de talent, pas par manque de vouloir, mais il y a de quoi qui est difficile à aller chercher pendant 60 minutes, un effort constant de la part de l'équipe au complet, ou du moins quelque chose qui marche. Il n'y en a juste pas de facile présentement pour les Patriotes. On gagne à peu près tous nos matchs par un but depuis... Ça doit faire à peu près, écoutez, 5-6 matchs là, que les Patriotes gagnent seulement par un but. Des matchs serrés. Toute leur dernière victoire, on va dire, depuis à peu près mi-octobre, sont par un but. Donc, c'est pas facile et on va devoir trouver un moyen en deuxième partie de calendrier pour gagner des matchs par plus que des buts, des victoires convaincantes, des victoires moins effrayantes pour les spectateurs qui viennent voir les matchs des Patriotes. au niveau du classement. Mais si eux, les Patriots, sont deuxièmes présentement, à coûter 10 points dans l'arrière de McGill, on a un match en main. McGill, premier, 34 points. UQTR, 24 points. Et Carlton, son troisième, avec 22 points. Du côté des Redmen, on est toujours sans défaite en temps régulier. On dit ça à battre les Redmen et les Rouges de Montréal. Du côté de l'Ouest, c'est tout le temps les Mustangs de Western qui sont premiers. Du côté des Mustangs, c'est vraiment là, une grosse équipe. Eux aussi, sans défaite cette année en temps régulier. Les Wolves de Lakehead, les Thunderwolves de Lakehead sont deuxième. Et Waterloo arrive en troisième place. Monsieur, je vous parle des Universiades. Des Universiades, pour vous décrire, c'est quoi? J'en avais parlé la semaine dernière, là. C'est une compétition qui regroupe les meilleures équipes de la... Pas les meilleures, mais les meilleurs joueurs, les meilleurs athlètes universitaires. On les regroupe pour le Canada. Ils vont affronter d'autres pays dans des jeux d'hiver. Il y a des jeux d'été aussi. On sait Jennifer Carroll, la nageuse, qui était ici avec les Patriots, a déjà participé à ça. Le camp d'entraînement débute aujourd'hui. Trois joueurs des Patriots sont invités. On parle de Francis Charlat, Pierre-Luc Lessard et Étienne Bellavance-Martin. Du côté de Lessard, du côté de Charlat, je crois que c'est des postes assurés. Lessard, présentement, est dans les meilleurs marqueurs au niveau des défenseurs de la des SUO, des sports universitaires de l'Ontario. Et pour, même chose pour Charlat. Pour Bellavance-Martin, je crois qu'il va devoir quand même... se battre pour son poste. Il est capable de faire l'équipe, ça je suis pas inquiet, mais il va devoir se battre pour son poste parce qu'on se retrouve au milieu de plusieurs joueurs et Benoît Smartin n'est pas le gars le plus physique. Donc automatiquement, si tu veux le faire jouer sur un troisième trio, c'est plus difficile. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais avoir les commentaires des gars, savoir qui a été choisi, qui n'a pas été choisi la semaine prochaine dans l'émission. Pour vous dire, là, le 14, c'est-à-dire dans 4 jours, on est 10, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça il va y avoir un match entre l'équipe des Universiades, bon, les joueurs qui ont été choisis, les joueurs qui sont au camp présentement, et équipe Canada Junior, les moins de 20 ans, qui va représenter le Canada, donc au championnat à Buffalo cette année. Donc, ça va être à suivre là-dessus, savoir comment ça va se passer. Il risque d'avoir des très bons joueurs dans cette équipe. Patriote de la semaine, je vous en parle depuis tantôt, c'est encore lui, Pierre-Luc Lessard, on s'entend, là, quand tu comptes un but alors qu'il reste une seconde, donne-moi le titre de la clé de la semaine, je l'ai mérité. Pour Pierre-Luc, deuxième année aussi à l'UQTR pour Pierre-Luc. Il est présentement au 19e rang des marqueurs de l'Ontario avec une fiche de 4 buts et 17 passes. 19e rang pour un défenseur, c'est bon, on peut faire avec. Il débute sa deuxième année au baccalauréat en administration des affaires. Le top 10 présentement, c'est la première fois cette année, non, c'est pas la première fois cette année, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé que l'UQTR se glisse dans le top 10 canadien au complet, en 10e position du côté des Pats. Bon, toujours premier, les Golden Bears de l'Alberta, UNB, l'Université du Nouveau-Brunswick, les Reds qui sont deuxième, et les Redmen de McGill, troisième, et suivi de Western Ontario, quatrième. Donc, lentement, mais sûrement, on commence à monter du côté des Patriots, on commence à avoir des... Comment dire? C'est de plus en plus réjouissant. Là. On a des chances, ça monte lentement, mais sûrement. D'ailleurs, je vais faire une analyse de mi-saison la semaine prochaine. Analyser un petit peu tout au niveau des joueurs. C'est le même type d'analyse qui va se retrouver dans le zone campus au début des fêtes. Mais pour les gens qui écoutent l'inconduite de partie, vous allez avoir un petit avant-goût de ce qui pourra se retrouver là-dedans. De toute façon, on n'aura pas beaucoup de nouvelles des Patriotes la semaine prochaine. Comme vous le savez, ils sont en pause présentement. Hey, petit scoop en terminant. Ah ben non. Petit scoop, là, je vous le dis comme ça. Là. Série Québec-Montréal, Montréal-Québec, gauche-droite, rouge-bleu. André Joannis, ancien défenseur des Patriotes, soyez pas étonnés, il devrait être sélectionné dans le classement. On parle cette année du côté de la série, d'une série qui va être beaucoup plus relevée au niveau talent. Je me sens mal pour la fille qui va aller dans le coin avec 6 pieds 4, 230 livres, André Joannis. Ah. Va jouer pour Québec ou Montréal? Montréal. Joannis, c'est un gars de Gatineau. Donc, okay. Ils font la frontière à peu près à Drummondville. T'sais, où est-ce que t'arrêtes pour pisser, t'arrêtes pour ta frontière? Je veux dire, c'est logique du côté. Aller voir Normand d'amour en même temps. Non, ça, c'est au Madrid. C'est un petit peu plus loin, ça. Donc, soyez pas étonnés, silencieux. On parle aussi d'Éric Beaudin, du côté des Patriotes, qui est en bonne posture pour faire l'équipe. Éric Beaudin, qui jouait avec les Patriotes l'an passé, qui a terminé sa carrière universitaire au bout de la saison dernière. On va à la musique. On va aller écouter du Antoine Graton avec la chanson 500 000 milles. Et au retour, On va faire un peu des nouvelles de hockey à Mauricie, là, parler de tout ce qui se passe au niveau du hockey dans la région. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Comme toutes les actrices blondes des films américains dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans ma face et tu m'as dit oui quand je t'ai demandé si. Puis t'es parti sans me dire où tu t'es enfui pendant que j'étais sous. Ben, me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduit de partie. Antoine Graton avec la chanson 500 000 milles. On continue avec le hockey en Mauricie. Écoutez, du côté des estacades, Pierre-Luc, Midget 3A, qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci? Oui, ben, les estacades la semaine dernière qui, malheureusement, ont été éliminés du challenge Midget 3A. Midget 3A, ils ont été défaits par les Intrépides de Gatineau. OK. Défaits par la marque de 5 à 2. Donc, du même coup, là, ont été éliminés du tournoi. Dans le fond, il n'y a pas eu d'action pour eux cette semaine. Ils sauf ce match qui était vendredi dernier. Est-ce que tu sais si ça compte pour la saison, ce challenge-là? Oui, ça compte dans la saison. Okay. Donc, ils conservent quand même, malgré tout, là, leur 5 points là, au-dessus de Gatineau au classement. Donc, ils reprennent l'action ce soir. Ils sont du côté de Jonquière pour affronter les élites de Jonquière. Et dimanche, ils se rendront du côté de Québec pour affronter le Blizzard du séminaire Saint-François. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux Dragons du Collège de la Flèche. Les Dragons qui étaient en action pour deux matchs la fin de semaine passée. On affrontait tout d'abord le cégep du le collège le Champlain Saint Lawrence là, les Lions du côté de Québec du côté de l'ancienne Norette plutôt au nouveau complexe sportif de l'ancienne Norette c'est une victoire de 5-2 du côté des Dragons. Tour du chapeau pour Francis Garceau, grosse performance de son côté, donc on a gagné ça, c'était le 4 donc samedi passé, et le lendemain on s'est déplacé à Alma. Québec, Alma, des bons petits voyages du côté des Dragons. J'espère qu'on n'est pas venu ici, là, honnêtement, sinon c'est longtemps. Du côté du centre sportif Mario Tremblay, c'est une victoire de 4-1 du côté de la Flèche. C'est une victoire à la fiche d'Olivier Manta. D'ailleurs, Manta a été nommé la deuxième étoile de la semaine au niveau québécois au complet. Donc, félicitations à Olivier. Petite nouvelle sur la Ligue collégiale de hockey. On va accueillir deux nouvelles formations du côté de cette de la Ligue. On parle tout d'abord des Filons du cégep de Thetford Mines. Les Filons qui évoluaient au niveau du hockey junior 3A jusqu'à tout récemment, jusqu'à il y a un an. Si je me trompe pas, la formation est rendue à la TUC. Donc c'est eux qui sont devenus les loups de la TUC. Du côté des Filons, on va pouvoir c'est pas la première. Écoutez, ça avait fait ça avec la Flèche aussi quand les Titans sont partis à Princeville. On était une année sans hockey, deux années sans hockey. Ensuite, on est revenu dans cette ligue collégiale et maintenant les Filons vont faire le saut eux aussi. Et finalement, les Blues du collège Dawson vont se joindre aussi à la ligue. Eux qui évoluent à Montréal. Hockey du Carouin-Gay. Le Carouin-Gay est en action pour deux matchs la semaine dernière. Tout d'abord, vendredi, ils affrontaient le Marquis du Saguenay. Le Marquis qui a été dominé au chapitre des lancers. Écoutez, le gardien Maxime Goujon a reçu 57 tirs. Ouh, t'en veux de quoi de performance, 57 tirs? Il a arrêté 56 tirs pour donner la victoire 2-1 au Marquis face au Carouin-Gay. Grosse performance. Grosse performance du côté de Maxime Goujon. Hey, j'ai vu une couple de joueurs. J'étais allé à la partie, c'est-à-dire que quand j'ai fini de couvrir les Patriotes, je me suis déplacé du côté de l'autre bord de l'aréna. On sait comment c'est fait à Trois-Rivières. Par le tunnel. Francis Charrette, un ancien du hockey junior majeur qui évolue avec le Marquis, du talent, Francis Charrette, là, ça se voit, il joue à la pointe au niveau de l'avantage numérique. Du talent, mais du côté de Charrette, ça a tout à été un problème d'attitude un petit peu, ce qui a tout à été son point difficile, mais ça va bien avec le Marquis, ça va bien. Et finalement, dimanche, ils étaient en action, le Carouin-Gay face au Saint-François de Sherbrooke. C'était à Sherbrooke directement au Palais des Sports Lionel Drolet. C'est une victoire du côté du Saint-François de 4-1. Seulement 14 lancers dirigés vers le gardien Louis Ménard. 14 lancers, c'est à peu près quoi? 4 fois moins que la veille, que le 2 jours face au Marquis. Donc, performance assez différente du côté du Saint-François. Et bon, ben ça s'est répercuté, veut pas, ça paraît au classement. Justement, on va en parler du classement, messieurs, du côté de la Ligue au complet. Ben avec deux défaites, le Carouin-Gay ne peut pas s'approcher du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce, qui sont toujours premiers avec 29 points. Le Carouin-Gay sont deuxième avec 24 points. Et l'Isothermique de Thetford Mines qui suivent en troisième position. Alors, T'as échappé tes dents, Nicolas? J'ai échappé ma liqueur, mon drink sur les fils. On va aller chercher de quoi pour... on va aller à une pause. Hein? On va aller à une pause et... Avant de se faire électrocuter dans le studio, là, on va aller à une petite pause. Au retour, Jonathan Robert, je joins avec nous et tu vas nous parler, on va parler d'hockey junior majeur. On va parler des Cataractes qui est en action hier soir, qui affrontait le Dracor de Baie-Comeau. C'est bon. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Et il est 9h31. On se revoit dans le prolong. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. start just begin again. You say, can we still be friends? If I'm scared, I've always known that the emperor wears no clothes. Bow down to him anyway. It's better than being alone. If I was scared, I would. If I was pure, I'm not. Knocking at my door, saying please come out this time. I would rather be alone than pretend I feel alright. Said they would, and I guess I'll just begin again. You say, can we still be friends? If I was scared, I would. If I was pure, you know I would. And if I was yours. Arcade Fire avec la chanson Ready to Start live. Écoutez ça, c'est sur YouTube et ça sonne comme le ciel, honnêtement. Ça sonne, comme le ciel, c'est beau comme expression. Ça sonne comme le paradis. Et c'est maintenant le temps de la chronique junior majeure. Se joint avec nous Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Ça va bien, Jonathan? Salut Nicolas, ça va bien vous-même? Ça va très bien. T'es avec Pierre-Luc aussi et Philippe qui sont en studio. On va parler un petit peu de la performance des Cataractes hier soir. On parle d'une victoire de 3-1 du côté des Patriotes. Pas des Patriotes, je me trompe d'équipe, moi, là. Des Cataractes, mais c'était pas le type de performance qu'on peut s'attendre de la part des Shawinigans. Ah, on va résumer ça en 10 secondes. Ah, vas-y. C'est 10 secondes qui ont fait le match. T'es sérieux? Oui, deux buts en l'espace de 10 secondes. Une poussée de Michael Bournival et Benjamin Cazavant qui ont transformé un pointage égal de 1-1 à victoire de 3-1, mais c'était vraiment pas là spectaculaire comme victoire. D'ailleurs, là, on l'a ressenti dans les gradins en fin de match. La majorité des partisans qui avaient quitté le centre Bionès On entendait une mouche voler et vraiment, point de vue effort et spectacle, là, c'était loin d'être dans le milliard pour les Cataractes. Surtout contre une équipe comme le Drakkar, où est-ce que ça devrait être relativement facile? Ben, tout à fait. 3 victoires seulement cette année. Le Drakkar, 4 victoires, pardon. Toutefois, on a constaté, là, le Drakkar qui est venu il y a quelques semaines à Shawinigan, on a constaté beaucoup d'améliorations dans leur jeu hier. Lorsque Mario Pouliot est arrivé en poste là-bas, nous confiait là, qu'il n'y a aucun système de jeu au niveau de son équipe. Et là, hier, on voyait que le Drakkar se redresse. Là, ils gagnent toujours pas pour l'instant, quoi qu'ils ont gagné une victoire surprenante là contre les Maniacs de l'Ouestan dernièrement. Mais on voit beaucoup plus de structure dans leur jeu. Et hier, ils ont complètement dominé les Cataractes à certains moments en première et en troisième période, même qu'à la fin du match, ils bourdonnaient constamment dans le territoire des Cats. Et il était temps que ça finisse pour les hommes d'Éric Veilleux, parce que même à la fin, avec une quinzaine de secondes à faire, là, ils ont frappé plusieurs poteaux. Le Drakkar et Gabriel Gérard là, a dû signaler parce qu'il a été abandonné par sa défensive. Alors hier, ça a été loin d'être facile. Un manque d'ardeur d'ailleurs au niveau de certains joueurs. Il y a Anton Zlobin qui a subi les fautes de son entraîneur hier, lui qui a été retranché de l'avantage numérique. On a pratiqué plusieurs nouveaux jeux chez les Cataractes cette semaine en attaque massive, en incluant Zlobin là, à différentes positions sur l'attaque à 5. Et finalement, là, hier, il a été confiné au banc là, parce que justement, Éric Veilleux trouvait qu'il travaillait pas assez. Surprenant quand même comme décision, Zlobin qui allait très bien jusqu'à tout récemment. Oui, ben effectivement, là, Anton Zlobin qui joue du bon hockey depuis quelques temps. Toutefois, hier, c'était un peu plus pénible dans son cas. Faut dire qu'hier, ça a été la chaise musicale au niveau des trios en début de match. On sait que Éric Veilleux aime bien jouer avec son alignement. Alors hier, il a tout modifié ses trios avant le match. Dave Labrecque a perdu son poste au sein du premier trio. C'est Joey Dubé qui le remplaçait. Labrecque était sur le deuxième trio. Bournival a été muté à l'aile droite, alors disons qu'on a joué pas mal hier là avec l'alignement. Est-ce que ça a porté fruit? Il y a eu de belles choses. Toutefois, là, ça m'a vraiment surpris de voir Labrecque être séparé de Casavant et de Le Sieur. Là, ces trois-là avaient beaucoup de succès avant la blessure à Dave Labrecque. Et là, maintenant qu'il est de retour, là, on a décidé de démanteler cette unité-là. Alors, on verra à long terme là, si la stratégie s'avère gagnante. Benjamin Casavant, qui, après un début de saison difficile, semble avoir pris son envol. 2 buts hier, encore plus 2 au niveau de son jeu sur son jeu au complet. Est-ce que Casavant, d'après toi, va être échangé dans le temps des fêtes, ou est-ce qu'on prévoit garder pour l'an prochain 2012, la fameuse année 2012 pour les Cataractes? Ouais, il sera assurément de retour lorsque Martin Mondou a sacrifié les services de Philippe Paradis. C'était justement pour aller chercher Benjamin Casavant. Pourquoi remplacer les deux joueurs? C'est que on se doute bien que Philippe Paradis fera le saut l'an prochain dans la Ligue américaine de hockey. De son côté, Casavant a été libéré par l'organisation des Capitals de Washington, donc il est toujours sans contrat professionnel actuellement. Les chances de le revoir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec sont donc beaucoup plus élevées que Philippe Paradis. Et c'est pour ça là, que Martin Mondou a procédé à la transaction. Casavant, qui devrait être de retour l'an prochain, devrait être un joueur d'impact dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, on a été s'assurer de ses services cet été. Ça a été très long à se mettre en marche, Benjamin, mais ces temps-ci a débloqué. D'ailleurs, hier, il a reçu la Coupe Molson, ou plutôt la Coupe Bud Light, là, pour ses performances du mois de novembre. Problème de commandite dans ton cas, là. Oui, ben écoutez, c'est que ça vient maintenant, hein, la brasserie Labatt, Jeff Molson comme président d'honneur de la Coupe Memorial. On sait plus trop là avec quel brasseur on est. J'avoue. Eh oui, c'est vrai, ça va-tu. Est-ce qu'on pourrait. On va peut-être faire un changement de commandite l'an prochain si jamais Coupe Memorial s'amène à Shawinigan? Je vous avoue que je crois que c'est des ententes à long terme là, qui ont été signées, mais j'ai pas vraiment ces détails-là. Il n'y a pas de problème. Ça m'amène à te poser une question. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de la position des Cataractes dans la prochaine période des transactions qui débute là, d'ici peu? D'ici peu, oui. Embêtant. Ouais. Selon les performances de l'équipe, je dirais que l'analyse change un peu à chaque match. Ils avaient un gros test le week-end dernier en affrontant le Junior de Montréal et les Remparts de Québec. Ouais, alors à ce moment-là, on disait avec ces deux matchs-là, ça va donner un petit peu les réponses à Martin Mondou. Si son équipe livre la marchandise, pourra aller chercher un gros allié pour appuyer Bournival, pourra ajuster, là, peut-être réduire un peu son alignement de défenseur pour se grossir à l'attaque. Et finalement, les Cartes se sont complètement effondré. Alors là, est-ce que Martin Mondou a décidé de devenir vendeur? Encore lundi, il nous disait que non. Toutefois, ce qu'il disait, c'est que ce sera vraiment les joueurs sur la patinoire qui vont prendre cette décision-là. Leurs performances feront foi de tout. Si la situation ne se redresse pas, peut-être qu'il sera tenté justement d'échanger quelques vétérans. Et au contraire, là, si ça va bien, ben peut-être là, qu'il pourra faire quelques transactions, parce qu'on sait qu'il a quand même les outils pour le faire. Il y a plusieurs jeunes joueurs, Je pense entre autres à Tommy Giroux, qui a prouvé qu'il est de calibre maintenant pour jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Toutefois, il n'y a pas de place actuellement dans l'alignement des Caps pour Tommy Giroux. Alors, un joueur comme lui là pourrait servir sans aucun doute de monnaie d'échange. Est-ce que le règne de Michael Bournival chez les Cataractes se terminerait bientôt? Non, assurément pas. Pourquoi? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, ils vont probablement être vendeurs, donc ça serait un. Mais non, du côté de Bournival, on va vouloir garder pour 2012. Et Bournival a seulement 18 ans, donc il ne pourra pas faire le saut dans la Ligue nationale, bien que ce serait surprenant là, de le voir sauter directement dans la Ligue nationale. Ligue américaine, les joueurs ne peuvent pas être là avant l'âge de 20 ans, donc ce serait complètement désillusionné là, de penser que les Cataractes vont échanger un produit local. Leur capitaine, leur meilleur joueur, celui qui remplit l'aréna ici, c'est impossible de voir Bournival quitter. Hey Jonathan, on parle de 2012 depuis tantôt. Les Cataractes ont rendu public leur livre de candidature, leur dossier de candidature pour la Coupe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben dans le fond, hier, on n'a pas confirmé grand surprise, je vous dirais. Évidemment, on a confirmé Jeff Paulson à titre de président d'honneur, Guy Lafleur et Jean Chrétien qui agiront à titre d'ambassadeur. Il y en a d'autres qui vont venir. On peut facilement présumer que ce sera des anciens joueurs des Cataractes qui évoluent désormais dans la Ligue nationale de hockey. Alors, Bergeron, Pominville, Dupuis, Burroughs, Michalek, Verbata en sont tous des exemples possibles. Alors, ceux-ci seront annoncés un peu plus tard. Pour le reste, on a dévoilé les membres du comité exécutif. On a parlé très brièvement là de l'opposition lorsqu'on a répondu aux questions de la presse. Alors, on a reconnu que Saint-Jean était sans aucun doute là, la formation qui va créer le plus de maux de tête aux Cataractes. On s'est appuyé beaucoup dans leur cas sur la première candidature, celle de 2009, celle qui a été rejetée au profit de Rimouski. Alors, les Cataractes qui sont allés faire un tour à Rimouski ont rencontré les gens de l'organisation, ont discuté beaucoup également avec des équipes de la Ligue de l'Ontario qui ont déjà reçu la Coupe Memorial pour vraiment s'appuyer sur leurs points forts, tenter de les reproduire à Shawinigan. Et selon les dirigeants, parce que le cahier de charge a été montré hier, mais on n'a pas eu connaissance du contenu, on garde ça secret pour l'instant. On nous dit que le cahier est pas mal plus élaboré que le premier cahier là en 2009 et eux de leur côté là sont très contents de leur travail et confiants de voir la Ligue pencher en leur faveur. Est-ce que c'est trop tôt pour émettre une prédiction d'après toi? Assurément, toutefois, si on y va à brûle pour point comme ça, c'est certain que le Cap-Breton et Halifax partent un pas derrière. Toutefois, je vous avoue avoir un peu peur là, en regardant les Sea Dogs de Saint-John. Sont une puissance actuellement et l'équipe n'est toujours pas en maturité. On se souviendra que l'an passé, c'était majoritairement des recrues. Se sont rendus en finale de la Coupe du Président. Cette année, l'équipe est un peu plus vieille, première au classement général. Alors l'an prochain, avec tout le monde à maturité, pratiquement la même équipe qui sera de retour à l'exception de Simon Després. Ce sera vraiment une puissance de hockey l'an prochain, les Sea Dogs. Alors c'est certain que le 25% d'équipe sur la patinoire va être à l'avantage des Sea Dogs parce qu'on sait que dans la répartition de la pondération de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l'équipe sur la patinoire représente 25% de la note finale là, pour l'équipe qui espère accueillir la Coupe. Alors c'est certain que les Sea Dogs là-dessus là, partent sans aucun doute avec une longueur d'avance. Ben, je te remercie beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Et alors, on continue avec la chronique junior majeur. Oui. Les Cataractes étaient aussi en action plus tôt dans la semaine, Pierre-Luc? Oui, fin de semaine dernière, les Cataractes avaient deux très gros matchs à jouer. Tout d'abord, vendredi, ils étaient du côté de Montréal pour affronter les puissants juniors. Oui, on a eu le droit à notre premier affrontement là, entre Louis Leblanc et Michael Bournival. Et Louis Leblanc qui a d'ailleurs inscrit un but dans la victoire. Troisième étoile du match. Le junior de Montréal l'ont emporté par la marque de 4-1. Charles Landry a été aussi la grande vedette du match avec un but, deux passes. Le seul buteur du côté des Cataractes est Benjamin Cazavant. Gabriel Girard a très bien fait aussi là, malgré la défaite. Lui qui a accumulé un total de 31 arrêts dans le match. Les Cataractes qui ont passé beaucoup de temps au cachot dans cette partie. 8 punitions en tout et le junior en a profité. Qui ont inscrit 3 buts en avantage numérique, là, le junior de Montréal. Donc ça a été, je te dirais, un point tournant dans la partie. Ensuite, le lendemain, on se déplaçait du côté de Québec pour affronter les puissants remparts. Il y avait une grosse foule là, à Québec. Là, ouais, il y a devant 10 924 personnes. Donc c'est toujours plein comme ça, je vous dirais, à Québec. Donc c'est c'est pas surprenant de voir ça. Mais des matchs Cataract Remparts là, à Québec, c'est toujours des excellents matchs. Puis il y a beaucoup d'animosité. C'est une grosse rivalité quand même entre les deux équipes. Il y a toujours beaucoup de monde aussi chez Shawinigan qui se déplace du côté de Québec pour venir encourager les leurs. Donc, c'est toujours des excellents matchs. Les Remparts qui l'ont emporté facilement par la marque de 6-2. Je pense que les Cataracts qui étaient un petit peu essoufflés de leur match de vendredi. Ensuite de ça, c'est qui a affronté les Remparts le samedi. Donc, c'était pas facile pour eux. Ryan Bourque a inscrit 2 buts dans la victoire du côté des Remparts. Alex Wall et Thomas Philippi ont chacun 3 passes. Et du côté des Cataracts, c'est Maximilien Lossier et Anton Zlobin qui ont été les buteurs. Benjamin Cazavant a un total aussi de 2 passes dans la défaite. Donc, c'est excellent. On a débuté le match avec Alex Dubo. On l'a remplacé après le 6e but là, par Gabriel Girard là, dans les dernières minutes de la fin. Et du côté des Remparts, c'était Louis Domingue qui était devant les buts avec un total pour lui de 28 arrêts. Donc, ça a quand même intéressant qu'on envoie Alex Dubo face à une puissance comme les Remparts. Mais 2 matchs en 2 jours là, pour... En effet, t'as raison. Pour le gardien de but, Gabriel Girard, c'était surtout contre 2 puissances comme celle-là. Mais c'est sûr que ça peut faire une différence, là, envoyer un 2e gardien contre une grosse équipe contre ça. Mais Alex Dubo, là, qui fait très, très bien, là, qui a très bien paru là, dans les matchs auparavant. Donc, je pense que l'entraîneur-chef là, des Cataracts avait vraiment confiance en son gardien de but. Donc, on va parler des Cataracts là, qui ont une fiche depuis le début de la saison de 17 victoires, 11 défaites et 2 défaites en prolongation, 1 en fusillade, un total de 37 points. Ils sont 5 points derrière les Olympiques de Gatineau au classement. Ils sont 4e dans la section TELUS Ouest et les Foreurs de Val-d'Or sont pas très loin derrière là, avec un total de 31 points. C'est assez demandé vraiment là, si les Cataracts, on en a parlé plus tôt, la prochaine transaction, si on va être vendeur ou acheteur. Moi, c'est encore difficile à dire. Là. Ouais, comme Jonathan disait, tant qu'à moi, on ne peut pas être acheteur tant que ça. Parce qu'on ne peut pas hypothéquer le futur. Mais vendre, c'est qu'on ne peut pas donner de spectacle aux spectateurs, ça se dit mal, là, mais aux fans qui vont venir à l'aréna. Parce qu'on a quand même une équipe qui est capable de... Ouais. s'amuser en série. Peut-être pas de causer la surprise, de se rendre jusqu'au bout, mais capable de faire quelque chose d'intéressant en série. C'est ça. Puis dans un marché aussi comme Shawinigan, c'est pas bon d'avoir une équipe qui part à tous les matchs parce que l'aréna se remplit pas. Donc c'est sûr que pour une concession comme Shawinigan, là, c'est difficile d'être vendeur comme ça. Et les Shawinigannais sont vraiment... demandant comme fans, comme gens. Donc, on peut pas s'attendre à ce que l'équipe perde et retourne dans les bas-fonds pour la fin de l'année. Non, c'est comme Bécomo le fait. Bécomo, c'est d'autres choses. cette fin de semaine, les Cataracts de Shawinigan, encore une fois, ce soir, qui sont du côté de Montréal pour affronter le Junior. C'est un 3e affrontement entre les 2 équipes en 3 semaines. C'est le 3e vendredi d'affilée là, que les 2 équipes s'affrontent. Je pense que ça va commencer à créer une petite rivalité entre les 2 équipes. Les juniors jusqu'à maintenant qui ont eu le dessus sur les Cataracts les deux reprises. Donc on espère que les Cataracts vont se reprendre ce soir. Et samedi, c'est les Huskies de Rouyn-Noranda qui se rendront au Centre Bien-Être pour affronter les Cataracts de Shawinigan. Et à surveiller Michael Bournival aussi là, qui va très bien là, dans les temps qui courent. En ce moment, là, depuis le début de la saison, 33 points, 12 buts, 21 passes en 27 matchs pour l'excellent joueur Michael Bournival. On se transporte maintenant pour les Voltigeurs de Drummondville qui vendredi affrontaient les Huskies de Rouyn-Noranda, l'ont emporté par la marque de 4-1. C'est Jean-Philippe Mathieu qui a été la grande vedette du match avec 2 buts et Lars Lundin a accumulé un total de 3 passes. Du côté des Huskies, c'est Jonathan Bonneau qui a été le seul buteur de l'équipe. C'est Dominique Graham, le 2e gardien de but des Voltigeurs de Drummondville qui était désigné pour affronter les Huskies. Ça a quand même bien été pour lui là, donner 1 but à l'autre équipe. Les Voltigeurs de Drummondville qui ont vraiment profité de l'avantage numérique pour l'emporter. 3 buts en 5 occasions. Donc, ça a été vraiment un point tournant dans le match. Dimanche, il était du côté de Val-d'Or. Ils l'ont emporté encore une fois par la marque de 6-3. Charles Couturier a participé à 4 buts sur 6 dans la victoire. Donc, Charles Couturier qui continue là, à connaître du succès. Et sur la route, ça va très bien pour lui aussi. Je pense que j'ai pas les statistiques, là, mais quand... quand même beaucoup de points là sur la route Charles Couturier. Guillaume Nadeau était désigné devant le but, malheureusement n'a pas été très très occupé. Seulement 17 tirs ont été dirigés vers Guillaume Nadeau. Donc il affrontait François Tremblay, lui qui a été beaucoup plus occupé avec un total de 32 tirs. Donc Gab. Ensuite de ça, l'affiche des Voltigeurs de Drummondville depuis le début de la saison, 20 victoires, 8 défaites, 3 défaites en prolongation, une en fusillade, un total de 44 points. Ils ont maintenant glissé 8 points derrière le Junior de Montréal au deuxième rang. Donc, ils commencent à avoir une bonne différence là, entre le Junior de Montréal et les Voltigeurs. Ça continue comme ça. Les Voltigeurs vont avoir de la misère là, à rattraper le Junior de Montréal pour terminer au premier rang de leur section. Donc, grosse fin de semaine pour les Voltigeurs de Drummondville. Vendredi, ils reçoivent la visite des Huskies de Rouyn-Noranda. Samedi, les Tigres de Victoriaville qui seront au centre Marcel Dionne. Et dimanche, ils s'en iront du côté de Montréal pour affronter le Junior. Donc, un affrontement. Pas facile, en effet. Ouais, surtout le troisième match pour affronter le Junior. Trois matchs en trois jours là, pour les Voltigeurs. Finir avec une des équipes les plus performantes dans la Ligue Junior majeure du Québec, c'est pas facile après trois matchs. C'est certain. Et les Voltigeurs de Drummondville aussi, ça c'est la question qu'on se pose. Eux, quel seront leur rôle dans la prochaine période de transaction? Vont-ils être vendeurs ou acheteurs? C'est une autre bonne question. Je pense qu'au début de la saison, on ne voyait pas les Voltigeurs de Drummondville où ce qu'ils en sont en ce moment. Donc, ça va être à voir aussi là, qu'est-ce qui va se passer du côté des Voltigeurs. On va y aller rapidement. Content pour les Drummondvillois de pouvoir profiter du hockey d'une équipe qui performante année après année depuis les trois dernières années. Ouais, là, après tellement d'années de vache maigre. C'est vrai que ça a été difficile là, pour les Voltigeurs. Je me souviens qu'ils sont passés de la dernière position à la première position il y a trois ans. Donc, on travaille fort du côté de Drummondville. Ça se répercute aussi au niveau des assistances qui sont qui peuvent difficilement être plus à hausse présentement. Là, du côté de Drummondville, on parle d'une capacité de entre 90 et 100% à chaque match. Ouais, c'est 90% du taux d'occupation. Ils sont au premier rang là, en ce moment là, par rapport là, à la grandeur de la région. Ça va très bien là, pour les Drummondvillois. On va y aller rapidement pour parler des Tigres de Victoriaville qui vendredi l'ont emporté sur les Remparts de Québec. Ça a été très surprenant. Les Remparts qui ont joué un très mauvais match, on va être franc là, dans ce qui s'est passé. Ça n'a pas très bien été pour les Remparts, ça a été difficile pour eux. Donc Philippe Maillet, Philippe-Michael DeVos a été la grande vedette, un but, deux passes dans la victoire. Yannick Dubé, Brendan Hines et Yannick Gourde sont les autres buteurs. Dimanche, ils ont été défaits par la marque de 8-5 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Les Saguenayens qui vont très bien dans les temps qui courent, eux qui ont remporté leurs trois matchs dans la fin de semaine. Charles Hudon est la grande vedette là, en ce moment là, des Saguenayens de Chicoutimi. C'est lui la première étoile de la semaine dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Et lui aussi joueur de la semaine dans la Ligue canadienne d'hockey. Donc ça va très bien là pour les Saguenayens et Charles Hudon. Donc, les Tigres de Victoriaville qui, ce soir, sont du côté de Gatineau et samedi, ils vont être du côté de Drummondville. Donc, c'est ce qui termine pour les... Écoute, j'ai des petites nouvelles. Michael Bonneval, bon, on se comprend en uniforme samedi, part pour Équipe Canada Junior, le Canada qui commence en même temps. Question de pouvoir affronter ce qu'on parlait tantôt, l'équipe des universitaires le 14. Donc, ça serait son dernier match ce soir là, contre le Junior. Exactement. Même chose pour le Blue Blanc, probablement. Oui, ben, c'est ça. Il y a quelques joueurs. On peut parler aussi de Nathan Beaulieu qui va quitter, Jonathan Huberdeau. Jonathan Huberdeau qui est avec les St. John's, les deux joueurs de St. John's. Qui est-ce qu'il y avait d'autres? Il y avait quelques joueurs aussi là, pris sur rapidement comme ça. J'essaie de me souvenir, c'est pas plus grave que ça. Donc on quitte les joueurs qui vont voir les équipes qui vont voir leurs joueurs quitter jusqu'à pour quelques jours, quelques semaines. Tout dépendant s'ils sont retenus ou non pour aller représenter le Canada. Donc, des joueurs de la semaine, Pierre-Luc? Oui, les joueurs de la semaine dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Première étoile, Charles Hudon, des Saguenayens de Chicoutimi, lui qui a accumulé un total de 1 but, 8 passes en 3 matchs la semaine dernière. J'en ai parlé plus tôt. Les Saguenayens qui vont très bien dans les temps qui courent. 3 victoires dans la dernière fin de semaine. La deuxième étoile, Zach Phillips, le joueur des Sea Dogs de Saint-John. 2 buts, 7 passes en 3 matchs. Et la troisième étoile, Vincent Arsenault du Titan d'Acadie Batters. 5 buts et 3 passes en 3 matchs là, pour Vincent Arsenault du Titan.

Des bons covers à la sauce Bob Bissonnette. Là. Des couvertures. Très, très, très, très bien. Oui, des couvertures. Des couvertures. Des reprises. Des reprises. Ouais, ouais. Phil, soccer européen, foot, qu'est-ce qui s'est déroulé sur l'autre continent la semaine dernière? En fait, fin de la phase de groupe. Donc, tous les matchs sont maintenant joués. On y va avec le groupe A en partant. Donc, Twente qui affrontait Tottenham pour le dernier match, ça s'est terminé 3-3, donc beaucoup de buts. Lanzat, Rosales et Chaldi du côté de Twente. Et du côté de Tottenham, c'est Wisgerov contre son camp. Ça fait toujours rire. Ouh. Et défaut deux fois. Donc, Wisgerov, joueur de Twente, qui a marqué dans le but de Twente. du côté de International, l'Inter de Milan. Affrontait Bremen et c'est Bremen qui a gagné 3-0. Donc, des buts de Prodol, Arnautovic et Pizarro. Donc, l'Inter de Milan qui subit une grosse défaite. Lyon affrontait Tel Aviv. Ça s'est terminé 2-2. Des buts de Lisandro et Lacazette du côté de Lyon. Ainsi que Sahar et Zahavi du côté de Tel Aviv. Donc, Tel Aviv qui termine sa phase de groupe avec une victoire et un match nul. On finit ça quand même en beauté. Benfica affrontait Schalke et c'est Schalke qui l'a emporté 2-1 du côté de Benfica, un but de Luis Sao et du côté de Schalke, c'est Jurado et Oedes qui ont marqué. Ensuite, Manchester United était à Valence dans un match qu'on attendait fort palpitant. Ça s'est finalement terminé 1-1. Donc, Anderson à la 62e minute du côté de Manchester United et Pablo Hernandez du côté de Valence. Bursaspor affrontait les Rangers. Ça s'est terminé 1-1. Serkan Yildirim du côté de Bursaspor et Miller du côté des Rangers. Barcelone affrontait Rubin. Barcelone, on sait, fort d'une victoire la semaine dernière contre Real Madrid 5-0, a encore blanchi son adversaire 2-0 du côté de Barcelone. Début de Fontas et de Victor Vasquez. Cobenvan affrontait mon préféré Panathinaikos et Cobenvan l'a emporté 3-1. Début de Wenger, Grok. Et oubliez ça, je suis pas grave de prononcer ça. Et si c'est. Non, mais il y a trois lettres que je connais pas. Donc, je suis désolé. Il y a trois lettres que tu ne connais pas. Ouais, je vous jure. Les lettres, écoute, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec un clavier. Mais bon. Et du côté de Panathinaikos, c'est Kanté à la 92e qui est venu sauver l'honneur. Bayern affrontait Basel. Bayern l'a emporté 3-0. Des buts de Ribéry à la 35e et à la 50e. Et un but de Timoshuk à la 37e. Du côté de Cluj qui affrontait Roma, ça s'est terminé 1-1. Un but de Traoré pour Cluj et de Borriello du côté de la Roma. Ensuite, Marseille affrontait Chelsea. On sait Marseille qui est sur une belle lancée. Ça va bien pour eux. Ils ont emporté contre Chelsea 1-0. Donc, un but de Brandao à la 81e. Grosse victoire. Zilina affrontait le Spartak de Moscou. C'est Moscou qui l'a emporté 2-1. Des buts de Alex et Ibsen. Tandis que du côté de Zilina, c'est Machtan qui a marqué. Real Madrid se remet de sa grosse défaite contre FC Barcelone avec une victoire de 4-0 sur Auxerre. Des buts d'un triplé de Benzema à la 12e, 72e, 88e. Ainsi que Cristiano Ronaldo, qui marque à la 89e. L'AC Milan affrontait l'Ajax d'Amsterdam, mais c'est l'Ajax qui l'a emporté 2-0. Début de Dezou et de Alderweireld. Arsenal affrontait le Partizan. Arsenal l'emporte 3-1. Gros match, le match qui a été présenté à la télévision ici au Québec. Donc, Van Persie à la 30e sur un penalty, Walcott à la 73e et Nasri à la 77e. Du côté du Partizan, la riposte est venue du pied de Cléo. Shakhtar Donetsk affrontait Braga, victoire de Shakhtar Donetsk 2-0. Début de Rat et Luis Adriano. Et en terminant, les phases de groupe donc sont terminées. On a les meneurs de chaque côté. Donc, dans le groupe A, ceux qui vont passer, c'est Tottenham et l'Inter de Milan. Ensuite, du côté du groupe B, c'est Schalke et Lyon qui passent. Groupe C, Manchester United et Valence. Groupe D, FC Barcelone et Cobenvan. Donc, Panathinaikos s'est éliminé. Groupe E, Bayern et AS Roma. Groupe F, Chelsea et l'OM. Groupe G, Real Madrid et l'AC Milan. Groupe H, Shakhtar Donetsk et Arsenal. Donc, les affrontements pour la ronde des 16 seront connus le 17 décembre et la ronde des 16 qui commence le 15 et 16 février 2011. Ensuite, quelques petites nouvelles pour toi, Nicolas. En fait, en ce qui concerne la Coupe du Monde au Qatar en 2022, oui. L'Asie y va d'une requête. En fait, on demande à ce que la Coupe du Monde soit faite durant l'hiver afin d'éviter les chaleurs accablantes qui aura lieu au Qatar. Mais pas au Qatar l'été, ça doit monter à... Jusqu'à 40 degrés Celsius facilement, semble-t-il, en juin au Qatar. Donc, déjà à 12 ans de la tenue de la Coupe du Monde du Qatar, on y va déjà de... Mais avec le réchauffement de la planète, ça a le temps de changer. Eh oui, ça va tout virer de bord. L'inversion des pôles est prévue pour 2012. Donc, à partir de là, le Qatar devrait se retrouver sous la calotte glaciaire. Oui, donc, ça devrait être quand même correct au niveau des températures. Bonne prévision du côté des sélectionneurs qui ont décidé de prendre le Qatar. On va avoir un nouveau sport, ça s'appelle le soccer sur glace. Donc, mais pas un nouveau sport, ça non, existe. Ben oui, mais sur la scène internationale, il n'y a à peu près que nous ici qui jouent du soccer sur glace. Peut-être à Russie, là aussi. Peut-être un petit peu, là, un restant de racoin. Ronaldo veut encore jouer en 2011. Ronaldo, en fait, le vrai El Fenomeno, pas sa pâle copie qui est Cristiano Ronaldo. Et c'est pas une attaque là, contre Cristiano Ronaldo, c'est juste que Ronaldo est mon joueur favori, celui qui m'a fait découvrir le soccer. Veut encore jouer en 2011, donc pour les Corinthians de Sao Paulo, ce serait son année finale. Donc, avant de prendre sa retraite. 34 ans, effectivement, 34 ans, et rond comme un jambon. Le Ballon d'Or sera catalan cette année. Ah, il est moins en forme. Hein? Il est un petit peu moins en forme que dans ses belles années, un peu moins bien découpé. Le Ballon d'Or sera catalan. En fait, les trois derniers candidats au Ballon d'Or 2010 sont Andrés Iniesta, Lionel Messi et Xavi Hernandez. Donc... qui sont les trois qui ont sorti du lot des 23. On est un peu surpris de ne pas voir Wesley Schneider qui aurait pu être sur le podium du Ballon d'Or 2010. Wesley Schneider qui a remporté le triplé en Italie, c'est-à-dire la Coupe d'Italie, la Scudetto et la Ligue des champions avec l'Inter Milan, en plus d'avoir passé la finale lors de la Coupe du Monde. Mais non, Schneider n'est pas là, donc le Ballon d'Or sera assurément catalan. Et en terminant, Michel Platini, le président de l'UEFA, il va de propos très tranchants en ce qui concerne les Bleus, les joueurs de France qui auraient boycotté un entraînement suite C'est pas juste aurait, là, ils l'ont fait. Oui, c'est ça, qui ont boycotté un entraînement pour protester contre l'expulsion de Nicolas Anelka du tournoi. Nicolas Anelka, on le rappelle, qui avait traité Raymond Domenech de plusieurs noms accablants. Et par la suite, ben justement, les joueurs ont été suspendus, entre autres Anelka pour 18 matchs, ainsi que Evra 5 matchs, Ribéry 3 et tout le reste. De toute façon, si je ne me trompe pas, Anelka avait dit qu'il n'allait plus jamais jouer pour la France, de toute façon. Oui, effectivement. On reste à voir là, ce qui se passera dans les prochains temps. Platini, qui est vainqueur de l'Euro 84 avec les Bleus, a dirigé également le club avec très peu de succès, a dit sur les ondes de SoFoot. Sur le mensuel SoFoot, que lui, il aurait banni les joueurs à vie. Donc, de l'équipe de France, ceux qui ont... Ouais, donc, quand même, il va de propos très, très durs. Il dit que nous n'avons pas une bonne équipe, nous n'avons pas une grande génération de footballeurs, alors pourquoi jouer avec? Laissons-les chez eux. Donc, des propos de Michel Platini qui resteront évidemment, qui ne resteront pas sans écho. On va probablement avoir une riposte du côté des joueurs. Voilà, c'est ce qui s'est passé sur le coup, Philippe. Ça fait plaisir. Ça va une pause. Au retour, on va parler rapidement du Canadien de Montréal qui sont en action ce soir contre les Red Wings de Détroit. Et JP Grenier se joint à nous. On va parler football, la LNF. Une grosse nouvelle en Mauricie au coup du nouveau... Et de la grosse nouvelle en Mauricie, Jacques Dussault qui se joint aux Estacades. Donc, nouvelle que vous avez pu lire sur mon blog. Fouillez-moi pourquoi j'ai sorti ça à tout le monde. Fait que... Félicitations, Nicolas. Donc, on va à la musique. On va aller écouter les Chicken Swell avec Extérieur, avec la chanson LOL, Laugh Out Loud. Chanson sociologique sur l'utilisation d'Internet un peu partout et de Facebook. Et, donc, on se poke et on s'en va en musique. Jeune et branché sur l'internet, sur mon sel, sur mon Dell, plein de bébelles, connecté même les jours fériés. MSN, c'est ma vie, c'est mon ADN. Je suis accro au texto comme toxique. musicaux. Je m'exprime, je m'affirme, je parle en abrégé. D'un petit point de parenthèse et je me mets à rire. La face lente, la face lente, la face lente. Je suis en ligne, je suis parti, je suis occupé. La face lente, la face lente, la face lente. J'ai chanté toute l'année. J'en ai des bleus sur le bout des doigts. Parce que je suis devenu un illettré. Twitter et Facebook, c'est mon école. Mon adresse personnelle, c'est celle de Hotmail. Pour voir comment je file, tu cliques sur mon profil. J'ai le cerveau dans le jello, ça va faire dur tantôt. J'ai 14 000 amis sur la toile. Je hâte, je pompe, j'ajoute. Toi, Guy Germain, d'où es-tu? Saint-Paul, Minnesota. Toi, Jesse Hall de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charm, Saint-Pierre. Luis Mendoza, Miami, Floride. Philippe Doucet, Saint-Cubert. Fontaine-Louis, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Kenwoo, San Francisco, Californie. Je suis Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Le conduit de partie. Alors, c'était Extérieur avec la chanson LOL, LOL, Laughing Out Loud. Se joint avec nous par téléphone, M. JP Grenier. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous autres? Oui, va très bien. Écoute, JP, avant de commencer à parler de football, on va parler un petit peu du Canadien de Montréal. Tu es capable de joindre nous là-dessus. Je ne suis pas de très, très inquiet là-dessus. Canadien, ça va bien, hein? Ça va bien cette année. Ça va très bien cette année. Écoute, yes. Rapidement, le dernier match qui était mardi, on l'a emporté 4-1 contre les Sénateurs. Sénateurs, cette année, c'est pas mal le contraire du Canadien. Hein? Une équipe qui se cherche, je dirais. Le type d'équipe qui... Pas le type d'équipe, c'est une équipe qui a du talent, là, on s'entend. Là. Spezza, Kovalev, Patati Patata, là, ces gens-là. À date, bon, Kovalev, écoute, paresseux comme mille, comme d'habitude. Si Philippe parlait de Ronaldo tantôt en disant rond comme un jambon, Kovalev, en forme, vraiment en forme, mais paresseux comme un jambon, là, un gros cochon. Donc, écoute, on dirait qu'il n'y a plus de motivation à jouer, là. Il pas plus tard qu'un an, écoute, il était un passionné du hockey, puis il avait du fun à jouer, puis écoute, son langage là expressif, oui, là, son langage corporel est pas là pantoute, puis ça va vraiment pas bien dans son cas. Non, là. Ça va absolument pas bien. Le Canadien a emporté 4-1, une belle explosion en troisième période, 3 buts, Jeff Halpern, Brian Gionta et Roman Amerlik. Amerlik qui joue du très gros hockey présentement, là. Roman Amerlik qui est tant qu'à moi l'étoile cachée du Canadien présentement. Le type de gars, écoute, il fait un gros salaire à 5 millions, faut être honnête. Mais bon, ça date d'un contrat de là, d'il y a 5 ans. Mais de son côté, cette année, Amerlik, on le voyait pas, parce qu'on le voit pas sur la patinoire, ne fait pas beaucoup d'erreurs, ne se trompe pas souvent, donc on le voit pas souvent, mais au point de vue offensif, c'est tout simplement récemment depuis la blessure d'André Markov, c'est-à-dire toute la saison, là, on s'entend. Là. Mais, l'an dernier aussi, en série, Roman Amerlik qui a élevé son jeu d'un cran après le départ d'André Markov, on dirait qu'il aime bien le rôle de défenseur numéro un, si on peut dire, là, de l'équipe. Donc, fait un très bon travail. Ben, quand tu fais offrir plus de temps de glace, quand tu feras offrir plus de responsabilité, il y en a qui vont être capables de la prendre, puis il y en a qui seront pas capables de la prendre. Dans son cas, Roman Amerlik prend toute la pression qui vient avec, avec le rôle. Ce soir, le Canadien est en action. Ça va être contre les Red Wings de Détroit. Un duel pas facile, un match qui sera toujours, pas facile. Toujours des bons matchs contre les Red Wings. On les voit pas souvent. Une équipe originale, un des Original Six. Un six original. Oui, c'est ça, un six original qu'on aimerait affronter plus souvent, comme les Blackhawks de Chicago. En fait, là, c'est deux équipes qu'on aime bien affronter. Ça donne toujours des bons matchs. Puis les Red Wings de Détroit, année après année, ont une équipe très, très, très performante. Des joueurs intéressants à voir aller. Ça sera pas facile, mais j'ai confiance en les Canadiens. C'est une belle lancée. C'est le type de défi à date, le Canadien, cette saison. On n'a pas de problème à affronter. L'équipe joue avec confiance. Et présentement, là, disons-le, l'homme qui doit se faire donner beaucoup de crédit, c'est Jacques Martin. De son côté, Jacques Martin, cette année, remplit un rôle que donne-moi le trophée Jack Adams. Oui. Oh, tout à fait. Et vraiment, écoute, c'est la préparation de son équipe. On n'a pas de complexe face aux plus grosses équipes. Et encore là, on est une des grosses équipes ouais. à date. Oui, on est dans le premier tiers de la Ligue. C'était l'objectif de Pierre Gauthier au début de la saison. C'était pas les prédictions, par contre. Non, là. En effet, c'était pas les prédictions. Un de mes amis m'a dit, il y a quelques temps, je n'avais pas trouvé ça fou. En fait, les joueurs, l'an dernier, en série, ont goûté à la soupe de Jacques Martin. Puis ont aimé ça. Donc cette année, on a vu ça a pris tout de suite, sensiblement la même équipe. Une acquisition Jeff Halpern là, qui est une acquisition fantastique à 500 000 là, au-delà des attentes, fait très très bien le travail. Est-ce que Jeff Halpern fait le salaire minimum pour la ligue? Je crois que oui. Oui. Et Alexandre Picard, un contrat à deux volets. Fait le travail, peut pas être retiré de l'alignement en ce moment, de la façon qu'il joue. Donc, un petit Québécois en plus. Hein. On parle tout le temps des Québécois, mais qui quand même est pas celui qu'on... Si je compare, mettons, à Francis Bouillon. C'est sûr que c'est pas le même type de joueur. Francis Bouillon, qui malgré sa petite taille, frappe beaucoup plus qu'Alexandre Picard, mais qui vraiment... Tu sais, Bouillon le voyait, on faisait des entrevues avec lui. Alexandre Picard, plus dans l'ombre. On le voit moins, il s'exprime moins avec les médias, moins demandé au niveau des entrevues, au niveau des campagnes de relations publiques. On dirait que il est de côté présentement au même titre que n'importe quel autre joueur qui ne parle pas français. Mm-hmm. C'est peut-être ce qui l'aide aussi à avoir un... Ben non, parce qu'il n'a jamais vécu ce type de pression-là ailleurs. Mais pour peut-être un peu à Ottawa, mais bon... Ouf, légèrement, ouais. Là. Parce qu'on avait Antoine Vermette, si je me trompe pas dans le temps. Mais pour l'instant, comme on dit... Ça va bien, on change pas ça. Non, exactement, ça m'amène un autre sujet. En fait, on change pas une formule gagnante. Est-ce qu'on laisse piquer dans les estrades? Moi, je pense que oui. Écoute, c'est pas la première recrue qui se fait bencher dans la Ligue nationale dans l'histoire. C'est quand même pas Maurice Richard. Ce n'est que Piqué-Soubin. Il n'a même pas 40 matchs dans la Ligue nationale. Donc, je pense pas qu'on puisse en faire un gros plat. Moi, c'est pas la première fois qu'une recrue s'en va sur le banc. Et c'est sa propre perception également. Ce sont ses propos. Écoute, je suis pas comme il le dit, il est pas lui-même le premier à se faire le coup, si on veut. Donc, il y a pas de gros drame là. Ce que je trouverais intéressant, par contre, c'est dans une potentielle absence prolongée de Scott Gomez, peut-être essayer David Desharnais. Essayer de voir qu'est-ce qu'il est capable de donner. David Desharnais, vous êtes fatigant. Non, mais... J'ai rien contre David Desharnais. On peut pas... J'ai rien contre David Desharnais, mais il s'appellerait Brock Trotter, puis vous en parleriez même pas. C'est pas ça, Nico. Il est premier marqueur des Bulldogs. Pacioretty, a eu sa chance et il va revenir également dans l'alignement du Canadien, ça c'est certain. Mais il me semble que Desharnais, on pourrait lui donner peut-être un petit Michael Camilleri à côté. Ça pourrait être intéressant. Tu demandes à David Desharnais d'évoluer sur le deuxième trio du Canadien là, présentement. Là. Tant qu'à moi, on peut-tu mettre l'harceleur là-dessus? Je suis d'accord. Mais il me semble qu'on n'aura pas de plus belle situation pour essayer Desharnais. Je comprends que Heller, c'est peut-être le choix logique, mais on a une belle opportunité là, de donner à Desharnais un 2-3 matchs faciles, peu importe de toute façon de la façon dont il se comporte, c'est sûr et certain que si Scott Gomez revient, il reprend son poste. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je pense qu'on a une belle opportunité là, de voir le joueur et de le montrer. Donc, mais c'est David Dernais. Premièrement, c'est mon meilleur seller sur la deuxième, le deuxième trio. Après ça, on a David Dernais qu'on doit faire jouer sur le troisième ou quatrième trio. Non, et, fait, et ce n'est pas le type de joueur qui peut évoluer sur ces si deux on trios-là. Met, si on monte à l'heure sur le deuxième de, sur le deuxième trio, c'est Dustin Boyd qui prend la place. Là. Ouais, David Dernais ne peut pas jouer sur un troisième, quatrième trio. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est justement là on a l'opportunité de l'embarquer sur un deuxième trio. En effet. Hey, donc, ce soir, Red Wings de Détroit, samedi, les Maple Leafs de Toronto. Donc, grosse fin de semaine. Beau 48 heures. Deux matchs contre les six originales du côté du Canadien. JP. Yes. On va parler football maintenant. Ben oui, c'est football collégial américain, là. Ça s'en vient, les balls. Ça s'en vient. Ça s'en vient rapidement, hein? Écoute, hier, c'était la soirée des remises pour les meilleurs trophées, les trophées des meilleurs joueurs dans la ligue. Écoute, on n'a pas de serment encore le Heisman, cérémonie qui sera faite samedi soir, si je me trompe pas. Par exemple, on a annoncé les finalistes, là. Écoute, grosse cuvée cette année. Rapidement, je vais vous dire les gros trophées qui ont été gagnés. Là, on peut dire que Cam Newton de Auburn University a carrément raflé tous les trophées qu'il fallait, là. Écoute, le joueur le plus utile, le joueur de l'année, le meilleur carrière. Est-ce que tous les gros titres qu'il faut avoir, il les a eu, il reste juste l'Iceman, là, mais bien sûr, il est en liste. Je pense pas que ça soit dur dans son cas, ça va être une formalité, là. Ce serait surprenant que ce soit pas lui. En parlant de Cam Newton, as-tu vu l'histoire qui est sortie à propos de son père qui est maintenant banni des installations d'Auburn? Ben, écoute, son père, monnayé son enfant. Écoute, on sait qu'ils ont, bon, que déjà, les joueurs ont pas vraiment d'agent, là, Ils n'ont pas le droit d'avoir d'argent, mais ils n'ont pas le droit d'être payés. Donc, c'est les parents un peu qui font le recrutement, ils appellent dans les écoles, ils font un peu la promotion de leur enfant, si on veut. Puis, son père qui s'est fait offrir des cadeaux, de l'argent, puis ça s'est su. On sait que Cam Newton a été comme transféré de il était à Florida au début. Oui. Il y a eu des problèmes d'attitude, je me souviens plus trop, là, mais écoute, il est allé au Junior College l'an passé dans un collège du Texas. OK. Puis là, cette année, il revient à Auburn, puis là, parti pour il gagne tout, là. Écoute, t'as fait demander qu'est-ce qu'il faisait l'an passé dans un Junior College, là. Mais son père, écoute, qui est banni, là, parce que, écoute, il a manié son enfant. Je trouve ça un peu... Vraiment, la NCAA, là-dessus, a été vraiment pas agressive sur la punition, là. On donne c'est un bannissement symbolique. C'est-à-dire, il a moins accès qu'auparavant. Mais il est pas... il peut aller voir les matchs, puis il y a pas de problème, là, de son côté, là. Pourquoi? La raison, c'est qu'on disait que Cam Newton, le joueur, son enfant, n'était pas au courant de ça. C'est vrai que c'est pas correct d'un point de vue légal et d'un point de vue éthique de pénaliser l'enfant pour quelque chose qui ne serait pas, entre parenthèses, au courant. Mais là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Là. On parle d'une somme de 200 000 $ qu'il demandait. En fait, ce que ça me fait penser, bon, on se souvient tous de l'histoire de Reggie Bush, qui a dû remettre son Iceman pour des raisons, bon, pas tout à fait similaires, mais quand même, c'est à peu près dans le même ordre. Recevait des cadeaux. Qui recevait des cadeaux. Est-ce que ça peut coûter le Iceman, justement, à Cam Newton? À Cam Newton. Est-ce que c'est une possibilité? Bon, ce serait surprenant, mais bon, c'est possible. Ben écoute, ça fait pas la première fois qu'on en parle depuis le début de l'année, là, est-ce qu'ils vont donner l'Iceman, puisque, écoute, il est excellent depuis le début de l'année, là, ça, s'il y a aucun doute là-dedans. Sauf que, écoute, selon les experts d'ESPN, Sports Illustrated, USA Today, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que faut pénaliser le joueur pour ses performances sur le terrain, alors de ce on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur du terrain, sauf en même temps, comme Nicolas l'a dit, ça ouvre une porte énorme pour plusieurs, là, 200 000, là, pour ceux qui sont pas au courant, c'est environ une bourse d'études complète en 4 ans, là, à l'université américaine. Ouais. C'est pas si pire que ça, sauf que quand même, puis je serais même pas étonné que ce serait le seul là qui se faire ça, sauf que... Écoute, c'est dommage, là, à ce niveau-là. Hier, il pouvait pas être là aux remises des prix. Sa mère était là. ça revient pas mal au même tant qu'à moi. Là. Il n'y a pas une grosse différence. Exactement. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Sauf que, écoute, tellement joueur dominant cette année, autant au sol qu'à part les heures, il mérite vraiment son Iceman. Écoute, on ne remet pas en question le fait que le gars est parti de Florida. Une année au Junior College, puis défait tout le monde après ça avec Auburn. Écoute, il a permis à son équipe, là, 2 semaines, de l'emporter contre Alabama, là, carrément. Écoute, il a sauvé la saison de l'équipe, puis il se rend justement au championnat national. Je sais pas si tu voulais parler un peu des bowls qui s'en viennent. Ouais, vas-y, parce que le temps avance, là, lentement, mais... Ben ouais, je vais parler des principaux, là, ceux qui intéressent vraiment le plus de monde, là, c'est-à-dire les 4 principaux. Tout d'abord, le Rose Bowl sera joué à Pasadena, en Californie, au fameux stade mythique. TCU contre Wisconsin. Match très intéressant. Là, TCU qui représente une des meilleures offensives. Wisconsin qui aussi cette année là, ajoute les points match après match. Donc ça va être super intéressant. TCU qui enfin... c'est la première fois qu'une conférence non BCS, si on veut, ouais, sera Rose Bowl. Donc super intéressant à ce niveau-là. Sinon, le Fiesta Bowl qui sera présenté en Arizona. Ça va à Oklahoma, encore une fois, sont là cette année, contre UConn. Belle surprise cette année. Les Huskies qu'on n'est pas habitué de voir dans les bowls majeurs. Là, les Huskies qui sont classés à peu près dans 22, 23, 24e et qui obtiennent un bowl comme ça, tandis que Boise State va se retrouver dans un bowl minable. C'est un peu plate, ça, par exemple. C'est épouvantable. Là. Mais c'est le problème des bowls aussi. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est ça là, UConn qui a l'avantage de jouer dans une conférence beaucoup plus médiatisée, beaucoup supérieure côté talent, puis côté prestige. Malgré que le Big East, c'est un peu... écoute, tant qu'à moi, c'est la division la plus compétitive avec beaucoup de belles équipes, sauf qu'en même temps, c'est celle qui obtient le moins de reconnaissance dû à son jeu qui, habituellement, est beaucoup moins... beaucoup moins fort que dans la SEC, par exemple, ou dans le Big Ten. Donc, encore un match intéressant. Un match peut-être un peu moins... qui m'intéresse quand même un peu moins, sauf qu'il mérite d'être... qui mérite d'être vu pareil, le Orange Bowl, qui à toutes les années offre un bon spectacle. T'as Stanford contre Virginia Tech. Stanford, qui sont 4e au pays, là... écoute, devrait gagner le match, là. John Harbaugh, le frère de Jim... Non, excuse-moi, l'inverse. Jim Harbaugh, qui est le frère de John à Baltimore, écoute, excellent entraîneur. John Harbaugh est aussi le frère de Jim, JP. C'est ça? John, t'as dit John. J'ai juste dit le contraire. OK. Donc, excellent match. Stanford, qui mérite l'an passé, s'est fait un peu voler leur place dans les gros bowls, donc très intéressant. Au Sugar Bowl, Ohio State, il va affronter Arkansas, qui est une très belle saison là, avec d'excellents joueurs. Puis finalement, là, le championnat national, là, on va en parler dans les prochaines semaines, là, sauf que Auburn contre Oregon, c'est vraiment... là. Si tu veux mon avis, ça devrait être une marche dans le parc pour Auburn. Ouais. Je pense pas que Oregon a ce qu'il faut pour compétitionner avec une équipe aussi puissante qu'Auburn. Je suis plutôt pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'Oregon va gagner. T'es-tu sûr? Je suis sérieux, là. Regarde, Oregon, c'est une des meilleures attaques des 10 dernières années dans la Ligue. Il y a quelques coachs de la NFL qui l'ont dit, là. Leur spread est tellement incroyable qu'il y a certains coachs de la NFL, des coordonnateurs défensifs même, qui auraient de la misère à rivaliser contre cette équipe-là. La Michael James, qui va être en liste pour l'Iceman sûrement samedi, là. Probablement là, la meilleure paire de jambes que j'ai vue au collège depuis Reggie Bush. Ce gars-là court vite, là, un peu dans le même moule que Chris Johnson avec Tennessee Titans. Donc, non, je pense que les Ducks pourraient l'emporter. Là, ça va être le 10 janvier, c'est quand même dans un mois. Là, donc, écoute, d'ici là, les équipes ont le temps de dire des affaires des médias, promettre une victoire. Donc, c'est le fun d'avoir deux autres équipes que tout le temps Oklahoma, Ohio State, Florida ou bien, par exemple, Texas là, au championnat national. C'est une nouvelle saveur, j'aime ça. Hey, JP, rapidement, écoute, tu peux-tu nous parler un peu de la NFL ou t'avais-tu fini avec les balls ou? Ben, j'avais pas mal fini avec les balls. Je sais qu'on voulait parler du UFC un peu aussi, là. Ouais, ben, c'est ça. Écoute, je vais te laisser. ça va conclure ta chronique pour aujourd'hui. Ah, pas de problème. En fait, de station, On manque de temps. Oui, fin de station à Sherbrooke. Fais attention à toi, là. Abuse pas trop, les là. Gars, là. Hein, une fin de semaine, une petite cam, là, dans tes bouquins. Ah ouais, merci, boy. C'est bon, je te remercie, yeah. JP. Salut. Salut. Hey, petite nouvelle qui a touché le monde du football de la Mauricie. Grosse nouvelle, devrais-je dire. Grosse nouvelle, oui. L'arrivée de Jacques Dussault, ancien entraîneur des Alouettes, entraîneur adjoint, ancien entraîneur de la Machine de Montréal, qui va se joindre à l'Académie des Estacades et qui va aussi travailler, on va se joindre à l'équipe juvénile 3A de l'école, mais aussi va travailler avec la commission scolaire il y a trois commissions scolaires, je crois, à Trois-Rivières, du Roi et etc. C'est-à-dire trop d'instances gouvernementales pour passer d'action. Donc, je l'ai dit fort, je m'en fous. C'était ton deux minutes éditorial et je suis obligé de dire que t'as raison. Oui! Alors, qui va travailler avec les trois commissions scolaires pour former les joueurs et développer des programmes au niveau sport-études, encourager ça. Donc, une très grosse acquisition pour la région. Exactement. Ça va placer notamment les Estacades à l'avant-plan. Des programmes sport-études, donc les Estacades là-dessus qui sont très très agressives, donc au niveau de leur performance, ça va être très très très très bien pour les années à venir. Je suis juste curieux de voir combien de temps Jacques Dussault va rester. On le sait, c'est souvent son problème, tourne en rond. Il a fait les carabins, il était à la CRC cette année à l'analyse du football universitaire, a été au Spartiate l'année d'avant. Jacques Dussault, ça va avoir de la difficulté à rester à un endroit tout le temps. Effectivement. On le sait souvent pour les coachs de foot là, en fin de carrière, le goût de revenir à la base, le goût de revenir avec les jeunes, de réenseigner, ça se perd pas. Donc j'ai bien confiance que Jacques Dussault va adorer son rôle. De toute façon, ça ne l'empêche pas de travailler, entre autres, par exemple, à la SRC pour les L'empêche. S'il est entraîneur, il doit entraîner le même jour que les matchs. Donc, oui, effectivement, si ça entre en conflit d'horaire, oui, mais bon. Possibilité est on verra. Donc, bonne acquisition du côté des Estacades. Ça va une pause au retour. Sébastien Proulx joint nous. On va parler de UFC 124, GSP contre Koscheck. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est Fou. Les fêtes, c'est fou. À l'œil, toi et toi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, et je vous suspends, toi et toi. Écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. Try to find my face again. Buried beneath this house, my spirit screams and dies again. Out back a monster wears a cloak of Persian leather. Behind the TV screen, I'm falling to my knees. I said you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by a thread, and I'm feeling like a fall. I'm stuck here in between the shadows of my yesterday. I wanna get. Blanket of silence makes me wanna sink my teeth in deep. Burn all the evidence of fabricated disbelief. Pull back the curtains, took a look into your eyes. My tongue has now become a platform for your lies. I said you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by. Chained down like a sitting duck, just waiting for the fall. You know. camouflaged by all the fallen leaves. A hand holds up the sky while shamefully I make my bleed. The altar's calling, but my legs won't seem to stand. Guess I'm a coward, scared to face the man I am. I said you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by a thread, and I'm feeling like a fool. I'm stuck here in between the shadows of my yesterday. Cage the Elephant avec la chanson Back Against the Wall se joint à nous par téléphone. Monsieur Sébastien Proulx, ça va bien Sébastien? Eh oui, ça va, vous autres les gars. Ah, ça va super bien. La grosse voix, Sébastien. La grosse voix, ça. Sébastien qui était avec nous pendant quoi, une session Sébastien? Une session, ouais, une session. Peut-être la moitié de l'autre, là, mais sinon j'étais collaborateur. Ben. Oh, t'as été collaborateur pendant un petit bout, là, donc le retour de Sébastien Proulx ce matin à l'inconduit de partie. Juste avant, messieurs, j'ai une petite nouvelle que j'ai reçue dans ma boîte à lettres. Le facteur vient de passer. Vallée du Parc, Shawinigan, la station de ski qui va ouvrir ses portes ce samedi de 9h jusqu'à 16h. Donc début de la saison, il va y avoir un rabais de 50% sur le prix du billet, donc les gens qui veulent essayer ça. J'imagine qu'il n'y aura pas une tonne de pistes ouvertes. Super mais... bonne nouvelle. On sait que Vallée du Parc a été incendiée en partie. La nouvelle cafétéria qui avait été construite a été incendiée il y a 2 ou 3 semaines. Oui, environ. Donc, bonne nouvelle. Vallée du Parc qui peut quand même ouvrir à temps. Sébastien, ça brasse dans notre coin de pays natal, semble-t-il. Le maire a été attaqué? Ben... Ouais? Ouais. Oui, mais dans le fond, on n'en parle pas tant que ça. Là. Non, OK, c'est bon. C'est ce que je me demandais. C'est quand même discret. OK, c'est bon. On fait ça en catimini à Joliette. De quoi vous parlez? Ouais. Le maire de Joliette a été attaqué. Attaqué? Ouais, attaqué, là. Il y a quelque chose de même, là. Il y a eu un hold-up à Saint-Calix, en plus. Ça brasse en c'est notre... wild à la Nodière. Oui. À Joliette! À Joliette! À du tube à Joliette! Hey, c'était hors sujet, ça. Brrr! Pénalité. On parle de sport. Brrr, pénalité, cabotinage. Donc, UFC 124, c'est cette fin de semaine. C'est au Centre Bell. GSP, écoute, il va avoir 23 000 personnes qui vont haïr Josh Koscheck. La grande gueule à Josh Koscheck, pour les gens qui ont écouté Ultimate Fighter, vont pouvoir en témoigner. Comment tu vois ça, mon cher Sébastien? Ben là, j'ai la chance d'y assister premièrement. Je suis chanceux parce que les billets, en plus, sont pas donnés. Non, hein? C'est quand même 75 pour être en haut dans le sommet du Centre Bell, puis c'est 600 en bas. Fait que c'est assez incroyable comment que UFC est rendu vendeur. Donc, j'assisterai à ça samedi. Il y a 11 combats à l'affiche ce soir-là. Sérieusement, c'est une des pires cartes que j'ai vues depuis très longtemps. OK. C'est décevant. Comme à l'habitude, dans le fond, ils prennent 5 athlètes canadiens qui se battent ce soir-là. Pas des gros noms. On va voir TJ Grant qui va affronter Ricardo Almeida dans les 170 livres. Grant, c'est un Canadien qui est quand même très connu. C'est peut-être le plus connu après Saint-Pierre Côté puis d'autres un petit peu plus noms, mais des plus petits noms. Mais TJ Grant, c'est quand même un bon combattant. Il va affronter Almeida, qui a perdu contre Hughes et Patrick Côté, mais c'est quand même un très bon, lui aussi. Il va, d'après moi, Almeida devrait battre Grant par soumission, parce que c'est quand même rare qu'on voit les Canadiens gagner, là. Mais à part Georges Saint-Pierre, on peut dire. Là. Ouais, une chance, non, hein? Une chance? Oui. En action, sinon, il va y avoir Joe Dorkson, un autre Canadien qui a 45 victoires, 13 défaites chez les 185 livres. Lui, il a perdu 3 de ses 4 derniers combats. Il va affronter Dan Miller, qui a 12 victoires, 4 défaites. C'est un spécialiste du sol. Moi, Dan Miller devrait battre encore une fois le Canadien au deuxième round par KO. Il va avoir Matthew Riddle qui va affronter Sean Pearson. Sean Pearson, c'est son premier combat UFC. C'est un Canadien chez les 170 livres. Tu disais que c'était pas des gros noms, t'as raison là-dessus. Ah, j'en connais pas. J'ai Dan Miller qui est plus connu dans l'UFC. Sinon, c'est des presque des premières expériences. Des bouches-trous. Ouais. Ouais, mais en même temps. Tu remplis la carte là, quand t'as Saint-Pierre Koscheck, c'est ça qui a dit le monde. T'aurais pu mettre. C'est ça. T'aurais pu mettre Denis Coderre contre Jean Lapierre, ça aurait fait pareil. Non, ça aurait été, je suis désolé, mais ça aurait été génial. Mais malheureusement, pas la même catégorie de poids. C'est ça. Ou Charest contre Steven Guilbeault, ça aurait pas été bon, ça. Ah, ça, ça aurait pas été ça. Ou Amir, juste Amir. Ouais. Amir, Jean Charest, ça aurait été bon. Mmh. Ah, donc, viens-en, là. Je vais compléter avec les cartes. Viens-en au gros combat, là. Honnêtement, les jambons, je m'en fous. OK, d'abord, il va y avoir Thiago Alves qui a déjà affronté Georges Saint-Pierre quand même récemment. Georges Saint-Pierre l'avait battu. Il s'appelle Thiago, c'est un pitbull. On l'avait vu, il est échappé. C'était assez incroyable, le nombre d'abdos qu'il y a après ça. Georges Saint-Pierre avait quand même fait qu'une bouchée de lui. Dans le fond, il affronte John Howard, qui a 14 victoires, 5 défaites. D'après moi, Alves devrait le battre par KO au deuxième round. Chez les 155 livres, Joe Daly Stevenson va affronter Mac Benzig. Stevenson, il se partage les victoires et les défaites. Ça a déjà été un champion, mais il est pas mal sur la pente descendante. C'est quand on dit ses quatrième combat, puis c'est des athlètes comme ça qui s'affrontent, c'est pas super. Sinon, il y a Jim Miller, 18 victoires, 2 défaites chez les 155 livres, qui a 5 victoires de suite. Il va affronter Charles Oliveira, qui a 14 victoires, 0 défaites. Il y a ses 2 victoires UFC, les 2 dernières. D'après moi, Jim Miller devrait gagner par décision. Et l'avant-dernier combat, avant Georges Saint-Pierre, ils ont misé sur le spectacle, dans le fond, Great Khali contre Big Show. C'est un gars de pas des pieds. Gars de la lutte, ça? Hein? Ouais, mais un gars des lutteurs, ça? Mais oui, c'est des lutteurs, mais c'était une métaphore. C'est Stéphane Struve de 6 pieds et 11. OK, je me demandais, j'étais là, t'es-tu sérieux? Ben non, ça aurait été bien trop malade si tu votes pour de vrai. J'étais là, puis là, tu dis que c'est pas une grosse carte, là. Il y a 2 lutteurs connus mondialement. Ben, 6 pieds et 11, 238 livres, le gars. C'est bon. 23 victoires, 4 défaites. 3 de ses victoires par soumission. Sinon, l'autre, c'est Sean McCurkle, 6 pieds 7, 265 livres, 10 victoires, 0 défaites. Il est invaincu. Il a déjà battu Mark Hunt à son dernier combat. C'est un vétéran de Pride qui était là avant UFC. Mais c'est deux gars qui sont immenses. Ils ont misé là-dessus, dans le fond, pour impressionner le monde parce que c'est pas des combattants. Ces deux gars-là tombent dans un côté de la cage. Là. Les poteaux sont mieux d'être accrochés solides. Ils sont mieux d'être solides. Écoute! T'as 500 livres là, sur 12 pieds qui rentrent dans une petite clôture. Là. C'est assez... Ouais, ça va être intéressant. Mais Carcole devrait demeurer vaincu avec sa 11e victoire, d'après moi, contre le géant de 6 pieds 11. Puis finalement, Just Koscheck va affronter Georges Saint-Pierre. Le combat attendu, mal le seul. Vraiment, là, Koscheck, je l'ai vu aller. J'ai pour ceux qui ont écouté la série Ultimate Fighter, savent c'est qui, savent quel type de personnage chez lui. C'est Josh Koscheck. Pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui ne savent pas qui est Josh Koscheck, c'est un mouton blond. Sean Avery, là, c'est une bonne similitude, mais comment dire, Sean Avery, on n'entend pas ce qu'il dit sur la glace. Josh Koscheck, quand il est en conférence de presse, il dit, quand il est à la télévision, il dit, c'est un gars fatigant, c'est un gars arrogant. C'est un excellent vendeur, par exemple. Écoute, le terme là, à la lutte, là, le terme « ill », le terme « méchant à la lutte », il n'y a pas plus Josh Koscheck que ça. Lui, s'il veut se faire, comme il dit, si je veux faire un gros chèque de paye, ma job, c'est d'être le méchant. C'est comme ça que je vais faire ma grosse paye. Il va sûrement faire une de ses meilleures bourses à vie pour affronter Georges Saint-Pierre demain soir. Georges est super motivant là, pour lui là, d'affronter une grand gueule comme ouais, ça. Ah, il a l'air tanné, hein? Ils sont aux antipodes complètement. Ah, ouais. Là, donc, non, il va être une belle motivation, je pense, pour Georges là-dedans. Là. Koscheck, par exemple, écoutez, c'est pas un nobody, c'est pas un deux de pique, c'est un champion. Oui, Georges l'a déjà battu. Est-ce qu'on peut dire que c'était une autre époque? Oui, mais ça n'avait pas si longtemps, peut-être 2-3 ans. Ouais, à peu près, mais non, plus que ça, parce que c'était avant. Attends, je vais essayer de te trouver ça. Là, Georges Saint-Pierre, c'était en 2007, donc août 2007. Trois ans. Josh Koscheck, écoutez, qui, à l'époque, il a battu Jonathan Goulet aussi, donc il n'en est pas à son premier combat contre un Québécois. Ben non, Goulet, ouais, Goulet s'est terminé, annoncé sa retraite à son dernier combat. Ouais, ben battu, écoute, ça a pas bien été. Là, il s'est battu plus régional, puis il a perdu. Ok. C'était terminé pour lui. Ouais, en effet, là, du côté de Jonathan Goulet, puis c'était peut-être le temps que ça s'arrête, là, parce que le cerveau ne semblait... Ben, pas le cerveau semblait plus y être, mais écoute, t'étais dans le UFC, tu te battais devant 20 000 personnes, puis tu tombes à te battre au Québec, dans Rage, c'est ça, Rage, la compagnie? Même pas, non. C'était quoi? Un combat local, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Ça baisse, mettons, tu écoutes Ringside MMA. Ringside MMA. Donc, de son côté, c'est pas le type de performance que tu t'attends de lui. Et écoute, un moment donné, t'attaches tes gants. Bon, quand t'en perds trois, puis à la place d'en gagner une, mettons, un sur trois, un sur quatre même, c'est pas excellent. Là. Tu prends ta retraite. Donc, du côté de Koscheck, c'est un excellent lutteur, risque d'être est probablement un des meilleurs que Saint-Pierre va avoir affronté au sol, si je me trompe pas. C'est deux professionnels des takedowns, dans le fond. Oui, c'est ça. Du côté, écoute, Koscheck, qui était dans la NCAA, n'a pas perdu un combat. 42-0. Donc, ouais. En lutte. On restera pas au sol longtemps là, ce soir. Ben, c'est deux professionnels, comme Sébastien dit, c'est deux gars qui sont bons. On restera pas debout longtemps. Oui, en effet. Dans ce cas-là, je te donne. Donc, vraiment, Koscheck, tu vois ça comme combat, toi, Sébastien? Ben, moi, d'après moi, Georges Saint-Pierre devrait quand même le dominer. Ça va être une farce, même, selon moi. Là. T'es-tu à ce point-là, d'après toi? Ah, oh, oui. Mais. Advenant que c'est une farce, là, on fait quoi avec Georges Saint-Pierre après? Là? Parce que après là, il va avoir rendu une farce à tout le monde. Là. Il parle de faire un combat seulement pour le nom et non. Ils vont peut-être faire une nouvelle, pas une catégorie de poids, mais Anderson Silva qui est à 185 puis Georges Saint-Pierre à 170 vont peut-être faire concéder quelque chose pour se monter, mettons, à 180, 177. Puis ça va être lequel qui est le meilleur parmi tous les poids, dans le fond. Le meilleur de UFC. Ah, mais ça va être encore plus... Ça va être plus, un gros défi, ouais. Parce que contre Silva, je suis pas certain. c'est un autre monde, là. Oh, c'est ça risque d'être le Silva est complet, là, puis ça serait effrayant pour Saint-Pierre. Ça risque d'être aussi ça, puis c'est sûr qu'en MMA, c'est probablement la place où est-ce que le poids peut faire une plus grosse différence. En boxe, tu sais, en boxe, tu frappes un peu plus fort, mais ben écoute, alors moi, c'est mon avis, là. Mais en MMA, c'est que avec le fait que tu peux envoyer au sol, des choses comme ça, le fait d'avoir une bonne différence de poids peut vraiment venir te nuire, là, beaucoup plus qu'en boxe, parce que, écoute, Floyd Mayweather s'est battu dans combien de catégories de poids? Pis... Oui, puis il aurait pu battre Butterbean. Oui, c'est ça. Wow, Butterbean. parlant de boxe, gros combat aussi qui s'en vient, là. Ben écoute, le combat, je sais pas, on va en parler la semaine prochaine, mais Pascal Hopkins... Très rapidement, ça s'en vient. En fin de semaine prochaine à Québec. En fin de semaine prochaine, pas demain, pas samedi, mais l'autre. Une chose qu'on n'a pas faite, les deux gros événements de combat au Québec, un après l'autre. Donc, une semaine après l'autre avant Noël. On parle de probablement les deux plus gros combats qu'il y a eu dans chaque catégorie au Québec, où est-ce qu'il y a eu des Québécois. Jean-Pascal Bernard Hopkins, il n'y a jamais eu plus gros combat au Québec où est-ce qu'un Québécois se battait? Ouais. On a eu Sugar Ray Leonard contre... j'ai un blanc. Au Stade Olympique, qui avait attiré, écoute, c'était plein, puis il y avait énormément de monde. Mais Joe Frazier, j'ai un blanc. On se positionne là, vraiment au niveau international. La plaque tournante là, des combats dans le Nord-Est. En boxe, on a Jean Pascal, on a Lucien Boutet, on a David Lemieux qui s'en vient aussi, qui va être un bientôt champion du monde. On a Georges Saint-Pierre de l'autre côté. Ça s'en vient très intéressant. L'athlète canadien, le meilleur athlète canadien de tous les temps, selon Dana White. Dana White et... Devant Wayne Gretzky. Oui. Ben, quand même, il y a pas tort. C'est ça. Wayne Gretzky, c'est un héros ici, c'est un héros aux États-Unis, mais à l'international. En Chine, on connaît pas ça, Wayne Gretzky. Tu touches une corde très sensible, ah, oui, là, quand tu dis ça aux Québécois, aux Canadiens, là, surtout à tous les Canadiens. Donc ce combat-là, c'est samedi soir au Centre Bell, disponible pour très cher sur Payer pour voir. Et on va espérer une victoire de Georges St-Pierre là-dessus et qui remettent Josh Koscheck à sa place. Sans équivoque, par soumission. Oui, ce serait intéressant. Le voir taper, le voir crier. Là. Ouais. Ça serait beau à voir. Hey, je te remercie beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. On s'en parle. Salut, là. Salut. Donc, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. On a eu une très grosse émission et c'est ce qui conclut quelqu'un d'autre aussi. C'est ce qui conclut la présence de Pierre-Luc Giroux dans l'émission de Néconduite de partie. Après deux ans et demi, après ça deux se ans termine et demi, aujourd'hui. Pierre-Luc qui était de la première émission et qui finit ça aujourd'hui en beauté. Hein? On a eu une belle petite très émission. Très belle émission, très bonne émission. Très content d'avoir été coéquipier avec toi, Pierre-Luc, ben collègue. Et content d'avoir avoir pu compter sur ta présence et ta fidélité à travers ça. On te remercie beaucoup. Merci à toi aussi pour tout ce qu'on a pu accomplir là ensemble pendant cette émission. On a eu bien du fun ensemble, comme on dit. Donc, merci beaucoup, Pierre-Luc, et ce n'est qu'un au revoir. Et voilà. De toute façon, on va... J'avais pas un cours ensemble dans pas long, là, l'après-midi. On n'en parlera pas, radio, radiophoniquement. Mais de toute façon, si on a des nouvelles de la ville de Québec, ça se pourrait qu'on te lâche un petit coup de téléphone. Ben, certainement, ça va me faire plaisir. À la session prochaine, les émissions, la session prochaine. La semaine prochaine, on va vous expliquer les changements majeurs qu'il va y avoir avec les conduites de partie. Donc, manquez pas ça, ça va être super intéressant. On a des belles surprises pour vous, les auditeurs, qui apprécient beaucoup notre émission. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est le www.inconduitedepartie.com et en studio, ben écoutez, écrivez-nous, là, live à commercialinconduitedepartie.com. Passez une belle semaine tout le monde, on se laisse en musique avec Coppertone des Martiens. Bye bye! Bye, à la prochaine! Montréal, c'est le printemps, c'est génial. C'est le retour des hormones, de la peau nue, des phéromones. Ça se bouscule dans la venue, les cuisses, les poitrines et les culs. Se lancent des signes dans l'univers. Et ça sent bon la crème solaire.